Chapitre 11e. Blessé sans le savoir. Le veilleur de nuit avait un coup de poignard dans le dos. La plaie profonde avait rendu beaucoup de sang, mais elle n'offrait en vérité aucune gravité. Le poignard, entré à l'épaule, glissa le long de l'omoplate sans atteindre aucun organe. Mais le veilleur de nuit, quand il revint à lui, se montra fort étonné de se réveiller dans un lit d'hôpital et de sentir une douleur à l'épaule. Paulin Broquet se trouvait au chevet du brave homme quand il recouvra ses sens. Il tenait à assister à l'interrogatoire que M. Urbain, le juge d'instruction, allait lui faire subir. « Comme tous les soirs, dit le veilleur de nuit, j'ai fait ma ronde dans l'étude, j'ai vérifié les portes. Vous avez constaté qu'elles étaient fermées ? Parfaitement. Alors je me suis couché très rassuré. Vous n'avez entendu aucun bruit ? Vous ne vous êtes douté de rien ? Vous n'avez rien pressenti d'anormal ? Rien, absolument rien. Sans cela, je n'aurais pas été tranquille. Je ne me serais pas couché, vous pensez bien. En effet. Maintenant, je suis réveillé dans un lit d'hôpital et blessé. Avouez que je peux trouver cela plus qu'étonnant. Ainsi donc, vous n'avez vu personne hier soir dans l'étude ? Personne. Vous ne vous souvenez pas de vous être réveillé à un moment donné, de vous être levé ? Pas le moins du monde. Vous n'avez lutté contre personne ? Vous n'avez frappé personne de votre bâton ? Personne ? Non, personne. Si je ne sentais la douleur à l'épaule, si ce n'était vous, messieurs, qui me disiez cela, je croirais rêver, être le jouet d'un cauchemar. On ne pouvait mettre en doute la parole de ce brave homme, et tout devait s'être passé comme il disait. Les magistrats alors se retirèrent, lui souhaitant bonne guérison, prompt rétablissement. En route, M. Urbain demanda à Paulin Broquet ce qu'il pensait de tout cela. « Mon avis, répondit le détective, est que le veilleur de nuit dit la vérité. Il n'a rien pu voir parce qu'il a été surpris dans son sommeil. Que peut-être on a forcé ce sommeil. Mais la suite, sa blessure, les deux autres blessés. Tout le reste est pure comédie, mise en scène admirablement organisée. Vous ne pensez donc pas que Robert et Raoul ont pu attaquer le veilleur de nuit ? Paulin Broquet eut un étrange sourire. À eux deux, ils devaient facilement venir à bout de cet homme surpris dans son sommeil, en effet. D'ailleurs, ils sont blessés tous les trois, c'est inadmissible. Paulin Broquet conclut. Nous avons affaire à des gens très forts, très habiles, très audacieux. Mais ils ont oublié ce proverbe. Qui veut trop prouver, ne prouve rien. C'était avec une intention bien arrêtée que Paulin Broquet dit au chef de la sûreté de faire enlever les deux frères sans qu'il fût possible au reporter, au photographe, au public enfin, de connaître leur identité. Ils tenaient absolument à ce que leur personnalité demeurât secrète. Cependant, Raoul et Robert se trouvaient beaucoup moins blessés que le veilleur de nuit, et dans le lit de l'infirmerie du dépôt, ils continuaient leur lourd et paisible sommeil. « Bon, » disait Paulin Broquet, « pas de doute, eux aussi ont été endormis comme le veilleur. » Sur les deux blessés, les deux dormeurs plutôt, Paulin Broquet s'était penché depuis un moment et très attentivement les examinait. Mais on savait que le détective ne faisait rien qui ne fût utile, même quand son acte semblait extrêmement simple ou sans importance. Il avait toujours un but connu de lui seul et dont le résultat surprenait chaque fois. C'est ainsi qu'après avoir regardé Robert, il alla s'asseoir au chevet de Raoul et comme il venait de le faire pour le docteur, il se mit à étudier l'avocat. Raoul portait toute la barbe, brune, soyeuse, très soignée, taillée en pointe. Dans cette barbe, Paulin Broquet passa les doigts et minutieusement tira quelques filaments blancs, un petit flocon neigeux. « Du coton, » fit-il. « Du coton dans la barbe ? » s'écria-t-on surpris. « Oui. » « Je me demande ce que ce coton vient faire ici. Mais enfin, voilà quelques brins de coton. » Il mit précieusement de côté ces brins de coton, puis il passa à l'étude de la tête de l'avocat. « Ah ! Voici qui est plus extraordinaire. » Entre le pouce et l'index, il montrait quelque chose de brillant, mais si petit qu'on le distinguait à peine. « Qu'est-ce que c'est ? » lui demanda-t-on. « Un éclat de verre. »« Dans les cheveux ? » ?»« Voilà. » Il ajouta. « Un éclat de verre qui ressemble singulièrement à ceux que j'ai ramassés là-bas dans le bureau de Maître Béjanet. » Et il conclut. « Donc ?» Tout me fait croire que Raoul Montreuil avait la figure dans du coton, et que c'est sur sa tête que l'ampoule de verre a éclaté. M. Urbain écoutait le détective avec le plus grand intérêt. M. Baumier souriait. Lui, le chef de la sûreté, était habitué au tour de force de son détective, à ses coups de sorcier, comme on disait. Mais le juge d'instruction admirait. Quant à Robert Montreuil, reprit Paulin Broquet, il ne porte que la moustache. La moustache n'a rien retenu. Et si je n'ai rien trouvé dans les cheveux, c'est que le docteur avait gardé sa casquette pendant l'attaque. Or, la casquette que j'ai là, dans mon dossier personnel, m'a donné aussi des éclats de verre et du coton. Parfait. Ce qui nous fait admettre que les deux frères ont subi le même traitement, c'est-à-dire qu'on les a endormis. Tout bonnement, voilà la preuve. Paulin Broquet sortit la casquette de sa poche et la mit sous les yeux du juge d'instruction. Vous voyez cette tache, ou plutôt cette marque, là, près de la visière. Je vois, cela forme comme un rond. Bien. Robert Montreuil, très soigné de sa personne, a souci de ses cheveux. Il les lustre avec de la pommade, de la brillantine, un corps gras quelconque. Le corps gras a marqué le tour de la doublure de la casquette. Très peu, j'en conviens, mais cependant assez pour nous, pour que nous puissions nous en apercevoir. Il faut cependant avoir de bons yeux et votre perspicacité. Ces traces grasses ont été radicalement enlevées ici, en effet. Or, il n'y a que deux produits capables de rendre un dégraissage aussi complet, aussi parfait, l'éther et le chloroforme. Oui, l'éther et le chloroforme. Je crois dès maintenant pouvoir déclarer qu'on a appliqué sur la figure de ces deux dormeurs, peut-être même également sur celle du veilleur de nuit, un tampon d'ouate, et qu'on a brisé sur ce tampon une ampoule contenant du chloroforme. Le juge d'instruction serra les mains du détective. « Je vous admire, mon cher Broquet. »« Attendez, monsieur le juge, » répondit celui-ci. « Attendez, nous ne faisons que commencer. Nous n'en sommes qu'au premier pas dans cette affaire. Tout ce que je viens de vous révéler, c'est l'enfance du métier. Ce qui nous reste à découvrir est bien plus grave. Il faut en effet que nous sachions pourquoi les deux frères se trouvaient à pareille heure chez maître Béjanet. D'abord, il faut aussi que nous sachions comment ils ont pu être surpris, qui les a mis dans cet état et pourquoi. « Eux seuls peuvent nous dire comment on s'y est pris, » déclara Paulin Broquet. « Quant à la raison, au but, au motif qui les amena dans l'étude du notaire, nous le savons. »« C'est, » demanda M. Urbain, « maître Béjanet, hier matin, leur a refusé, comme à vous aujourd'hui, la communication de ce fameux acte enfermé dans le coffre-fort. Les deux fils du banquier, et ça se comprend aisément. » ont voulu, malgré le notaire, en prendre connaissance, et savoir enfin ce que signifiait cet étrange mystère qui plane douloureusement sur les derniers moments de leur malheureux père. Le chef de la sûreté appuya sur les déclarations de son inspecteur. À ses yeux, il n'y avait pas d'autre raison qui motivât la tentative de cambriolage des deux frères. Cependant, ajouta-t-il, il est un point que vous perdez de vue, mon cher Broquet, et ce point est de la plus haute importance. « Lequel, chef ?»« C'est qu'il est étrange que les gens de la bande des aides, car nous avons affaire à une bande bien organisée, que les aides, dis-je, qui ont essayé de tuer sans scrupule M. Montreuil, ces mêmes gens hier soir, surpris dans leur cambriolage par les deux frères, les fils Montreuil, ne se soient pas débarrassés tout à fait de témoins dangereux comme ceux-là. Il est étrange qu'ils aient seulement fait cette mise en scène, sans soit contentés. Il est inconcevable que des bandits de cette envergure et commis l'imprudence de rester à la merci d'une déclaration inévitable. Pourquoi n'ont-ils pas tué les fils du banquier Montreuil? C'est étrange, en effet, pourquoi? Ils pouvaient le faire, je dis plus, ils devaient ne pas y manquer, pour se sauver eux-mêmes, et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont arrêtés en chemin, ils n'ont pas osé, pas voulu commettre ce meurtre, pourquoi? Le juge et le chef de la sûreté se tournèrent vers Paulin Broquet comme pour lui demander son avis. Mais le détective répondit simplement « Je n'ose dire tout ce que je pense, ce qui boue dans ma cervelle. Dites cependant « Non, chef, non, c'est trop grave. Cependant « Eh bien, chef, sans me prononcer davantage, je puis dire que le chef de ce drame sanglant, de tout ce mystère, se trouve dans cet acte que maître Béjanet refuse de faire connaître, l'acte secret. Ce document nous dirait et pourquoi M. Montreuil est revenu sur ses accusations contre le comte de la Guérinière et pourquoi, hier, on n'a pas tué les fils de M. Montreuil. » Le juge d'instruction et M. Baumier sursautèrent. « Mais alors, Broquet, vous accusez le... » Le détective coupa la parole au magistrat. J'accuse celui qui a signé ces hauts faits de son initiale, j'accuse Zigomar. » Les magistrats sursautèrent. « Zigomar ? » s'écrièrent-ils. « Qu'est-ce que c'est que Zigomar ?» Paulin Broquet, au lieu de répondre, désigna les deux frères. « Chut ! Les dormeurs se réveillent !»